passent aux États-Unis. Encore aux États-Unis, les Américains, société violente, plein d'armes à feu. Là, je m'excuse, on peut pas être plus près de chez nous. École Le Sommet, Charlebourg, une tuerie se préparait pour le 31 mai. Et ils auraient pu avoir accès à des armes. Ils auraient pu en avoir. Il y avait un plan pour ça. Ils voulaient passer aux actes. Il y avait même plusieurs plans selon ce qu'ils auraient réussi ou non à recueillir. Donc, il était à ce niveau de préparation-là, de dire si on a un fusil d'assaut, si on a tel gun. OK. Dépendamment des guns, dépendamment des fusils, des armes. Leur plan était orchestré, était selon préparé, les armes qu'ils auraient obtenues. Selon les armes et peut-être d'autres matériels aussi dont ils auraient pu avoir besoin. Non? La question que je vous pose à matin, ça fait peur. Il y a des parents qui nous écoutent, il y a des enseignants et des enfants. Vous allez me trouver tough, mais je le dis pareil. Je vais peut-être être seul dans mon camp. J'assume. La commission scolaire tente de nous rassurer ce matin et vous rassurer en disant, inquiétez-vous pas, on est formés. Si jamais il y a une tuerie dans nos écoles, là, depuis Dawson, on a formé nos enseignants. OK? Tu les as formés à faire quoi devant trois jeunes armés? À part te sauver ou essayer de te cacher. Que c'est que t'as donné comme formation? C'est pas de la formation dont ils ont besoin. Ils ont besoin de guns. Ben voyons. Ils ont besoin de se défendre. Mais pourquoi vous capotez quand je dis ça? Mettons, moi, demain matin, je l'annoncerai, là. D'abord, t'aimes pas tous les profs. Imagine-toi le message que t'envoies aux fous si tu fais juste dire ceci. Dorénavant, compte tenu de la dangerosité des écoles. Et là, il semble y avoir un problème. Appelons pas ça une mode, là. C'est un phénomène terrible. Il y a des tueries dans les écoles. Les profs qui désirent s'armer pourront être formés, pourront avoir accès à leurs armes, évidemment, entreposées de façon très sécuritaire dans leur classe. Et quel message s'envoie? Demain matin, là, admettons qu'à Québec, je te dis, dans mon école à moi, Geneviève, OK, à moi, que je suis le directeur, ça se peut que mes enseignants soient armés et aient des guns. Dans la tienne, je suis ta philosophie, aucun gun. Tu t'es même peut-être mettre une belle affiche devant ta classe, devant ton école. Ici, il n'y a pas de gun. Bon, moi, j'en ai. Le tireur fou, il va aller dans quelle école? Dans la tienne. Dans la tienne. Non, il va aller dans la tienne donc. Parce qu'il veut créer quelque chose. Il va vouloir qu'il y ait une réplique. Puis ça va être encore pire parce que tes enseignants à toi vont être armés. Tu crois vraiment sérieusement ça, là? Qu'un jeune qui veut tuer du monde... Je tiens mon bout, ça n'a pas de sens. Il sait que mes enseignants à moi sont armés. Les tiens sont désarmés. Il va être assez cave, assez niaiseux pour aller dans mon école, jamais en 100 ans. Il va aller dans la tienne. Tu vas quasiment y indiquer, tu vas l'inviter chez vous. J'ai pas de gun! Moi, j'en ai. Ouais, parce que là, pas toutes! Il y en a peut-être 3-4 profs qui sont armés. Fait que si tu viens chez nous, mes profs se cacheront pas toutes dans les armoires puis en dessous des pupitres. Ça se peut qu'il y en ait un qui ait le courage de sortir son gun puis de se défendre. Comme ça s'est passé à Dawson. Si Kim Vergil n'a pas fait de massacre aussi, il en a quand même fait un, il y a quand même eu un décès, c'est une de trop, l'Anastasia, mais il aurait pu en tuer des dizaines s'il n'y avait pas eu par hasard un policier sur sa route. Je le répète, c'est par hasard que le policier était là ce matin-là, il a eu le courage de sortir son gun puis de le descendre. Parfait. Dawson, c'est un cégep, c'est pas une école secondaire, c'est pas une école primaire, ce sont des jeunes qui pour la plupart sont majeurs et surtout, tu le dis, c'est un policier. D'ailleurs, il y a des policiers dans les écoles secondaires et même dans certaines écoles primaires à Québec. Je pense 670-9330, je vois le téléphone sonner. Est-ce qu'on devrait armer nos professeurs? Je suis le seul à penser ça, peut-être que... Mais pourquoi pas? Pourquoi on se scandalise, gars, ces petits jeunes-là, ces trois jeunes-là de l'école Le Sommet? Était sur le bord de s'armer sérieusement pour commettre une tuerie à Québec. Si les mauvaises personnes peuvent s'armer, pourquoi les bonnes personnes ne peuvent pas? Pourquoi on crie des « Oh, ça n'a pas de bon sens, scandale! » Si je veux que des gens qui ont une bonne tête, dans le but de défendre des gens, on n'a pas le droit de s'armer? C'est dans le message que t'envoies. C'est quoi le message? Tu te défends ou tu fais de la prévention avec des armes, ça marche pas. T'es dans une école. Écoute, ce sont des jeunes. Les policiers en ont des armes. Parfait. T'as un policier dans les écoles, pas je pense. Un prof. Que... Ben, voyons. Mais en quoi? De défendre ses élèves, en quoi c'est un crime? En quoi c'est pas beau? Mal au téléphone. 670-9330. Jase avec, on comprend un premier appel. Bonjour. Comment ça va? Allô? Allô? Joe? Joe, bon matin. Ouais, salut. Ben, si Kim Vergil avait su qu'il y avait des armes proches de lui, ben, il aurait peut-être été encore mieux armé. Mieux armé? Ben oui. Mettons qu'un fou, là, tu peux pas te mettre dans la tête d'un fou. Tu sais pas comment ce qu'il pense. Fait que si le fou, il sait déjà d'avance qu'il va rencontrer de la résistance, il va s'armer encore mieux. Ouais, mais là, c'est plus tough, là. Faut pas que tu mettes des armes dans les mains des professeurs parce que ça fera pas fuir le fou, là. Le fou, il va juste être plus armé encore. Ben, et ça va être encore plus dur. Tu viens de mettre des bâtons dans les roues, là. Là, tu dis, ouais, il va-tu avoir une escalade? Pas bâtons dans les roues. Le fou, il pense juste à faire ce qu'il veut faire. Mais c'est il plus tough. Il regarde pas la difficulté. Êtes-vous d'accord avec moi que se procurer des armes encore plus efficaces, en tout cas plus agressives, c'est beaucoup plus dur? Donc, vous avouez avec moi que si on arme les profs, on vient de compliquer la vie aux tueurs. Non, moi, je suis pas d'accord. Pensez qu'ils vont être capables de s'acheter une mitraillette au coin de la rue? Ils achètent pas. Non, non, je sais, mais c'est quand même plus dur à se procurer, quand même qu'il y a vol, quand même qu'il va chercher. Non, c'est plus tough, non, là. Le fou qui veut faire du dommage, il va prendre tous les moyens qu'ils sont capables de prendre. OK, merci, Joe, mais tant qu'à ça... mais ils veulent du défi, okay. Ces gens-là. Non, l'argument de Joe est pas mauvais. Tant qu'à ça, désarmons les flics. Parce que vu que les flics sont armés, vu que les gars de la Bringue sont armés, en passant, les gars de Garda sont armés, pourquoi personne se scandalise qu'on s'arme pour protéger du fric, puis que moi, j'ai pas le droit d'armer des profs pour protéger des enfants? Si les gars de Garda étaient pas armés, tu serais le premier à dire qu'on protège pas notre argent. Ben oui, mais j'accepte que les gens de Garda soient armés. Mais toi aussi? Mais non, mais moi, c'est pour ça que je te dis, dans mon école, là, quand tu ris de moi en me disant qu'il y aurait une pancarte sur mon école, en disant que je serais pas armée, ce que je te dis, puis ça rejoint un peu l'argument de Joe, c'est que, tu sais, le tireur fou qui a dans la tête d'avoir un plan, là, lui, c'est du défi qu'il veut, c'est de la visibilité qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est qu'il y a un bain de sang. S'il y a des armes dans ton école, puis il sait que les profs vont se mettre à tirer, là, sois sûr qu'il va y aller parce que c'est bien plus tough dans ton école. Ben, son bain de sang, ça va peut-être être un bain de sang, lui. C'est pas ça qu'il veut. Il veut tuer des enfants innocents. Et moi, je pense qu'il irait bien plus dans la tienne. Tony, bon matin. Bon matin, ça va bien? Yes, qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, ce que je pense, c'est pas les professeurs qui devraient être armés, puis d'armer tout le monde dans l'école. Ce serait que chaque école, que le gouvernement fasse un programme pour que toutes les écoles au Québec aient deux gardiens de sécurité plantés dans l'école, où ces gardiens de sécurité-là peuvent autant donner des cours de sécurité aux enfants, des cours de taekwondo, des gars qui sont entraînés pour protéger l'école et protéger... Oui. Professeur. Je suis d'accord avec ça. Ça serait aussi, gars, moi, je disais tantôt, armons les profs. Vous vous dites, OK, on pourrait mettre des spécialistes, des gardiens armés. Mettons un dans chaque école. Il n'y a pas tant que ça, là. Il n'y a pas 100 des écoles secondaires, là. Non. Tu peux mettre un gardien par école, puis tu peux mettre un surintendant qui est sur caméra, puis qui vérifie toute l'école constamment les portes d'entrée. Puis quand il y a un fou qui rentre bien en noir avec une mitraillette dans les mains, on le voit vite, là. Parce que honnêtement, Newtown, ça a été trop facile pour le tueur. Il l'a bien trop eu facile. Il est rentré là, puis regarde, il s'est promené. Heureusement, il y a des professeurs très courageux qui ont réussi à cacher leurs enfants. Mais c'est le max qu'ils pouvaient faire. Se cacher dans les armoires, ils pouvaient pas faire mieux devant quelqu'un d'armé. Non, ils sont morts pareil. Puis ce qui est plate là-dedans, c'est qu'il n'y a aucune sécurité. On parle au Québec, bon, c'est beaucoup moins pire, on n'en parle pas, c'est très différent. Mais quand même, c'est arrivé ici à Dawson, c'est déjà arrivé. Dans un cégep, une université, puis vous savez, aux États-Unis, ça arrive, là, ça s'est rendu un rituel quasiment régulier qu'une école se fait défendre. Moi, je te mettrais vraiment, là, le gouvernement américain ou canadien déploie de l'armée partout dans le monde pour tous les pays, mais on protège pas nos enfants, nos étudiants puis nos professeurs dans nos propres écoles. Merci, Tony. On va aller jaser avec Jacques. Jacques, bienvenue au FM 93. Sylvain. Yes. T'as raison à 100%, puis Geneviève est de la chante patate. Voici un exemple. À la Caisse populaire de Saint-François-d'Assise, pendant de nombreuses années, il y a eu un garde armé à l'intérieur, dans une guérite, puis le gun, sa ceinture, puis durant toutes les années où le garde était là, il n'y a jamais eu un hold-up à la Caisse populaire Saint-François-d'Assise dans des années où les hold-up étaient nombreux dans les banques. Il n'y a jamais un bandit qui est allé défier le garde armé. Fait que Geneviève, son raisonnement... C'est, à mon avis, c'est faux. Mais il y a des policiers armés dans les écoles, déjà, à Québec. T'es sûr, dans toutes les écoles, temps? C'est confirmé, j'ai parlé à Sandra Dion dans de la Police de Québec. Tantôt, toutes les elle m'a dit que dans toutes les écoles, je pense qu'il y a pas loin d'une vingtaine d'agents préventionnistes qui font le tour. Écoute, ils ont deux écoles chaque, ils sont là 3 jours semaine. Ils sont pas là en permanence. Non, ouais. Ils sont pas en permanence, Geneviève. Mais non, mais si tu sais que t'as une chance de croiser un policier armé, si je suis votre raisonnement, monsieur, si je sais que je suis un tireur fou, j'ai une chance de croiser un policier armé dans une école, donc je devrais pas y aller. Mais apparemment que les 3 jeunes de l'école Le Sommet, là, ça leur faisait pas peur, le policier armé qui vient faire son tour de temps en temps, parce qu'il préparait une tuerie pour le 31 mai de façon sérieuse, on le sait désormais. Il aurait peut-être pas eu peur non plus des profs armés. Tu le sais pas, ça. On reste dans le ci puis dans le ci. Moi, je prendrais... Pense seulement que l'exemple des voleurs, quand ils voient qu'il y a un système d'alarme dans une maison, et voilà. Ils vont dans une autre maison. Merci, Jacques. Et voilà. Et moi, des systèmes d'alarme comme des tueurs fous, là, j'en connais pas d'autres que armer le bon monde. Je connais pas d'autre chose. Vincent, bon matin. Bonjour, ça va bien? Yes, je vous écoute. Ben, après la tuerie Newton, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les gens se sont garochés pour acheter encore plus d'armes. Fait que là, on achète des armes pour se protéger des gens qui ont des armes, puis là, on achète d'autres, ça finit plus. Alors, si on arme nos professeurs, ben, on entre dans le même cercle où est-ce que tout le monde va s'armer parce que les gens sont armés, puis on s'en sortira pas, là. Donc, il faudrait désarmer les policiers, les gars de garda, tout ce monde-là, les gardes du corps, des ministres, désarmez-les. Non, mais si on met des armes dans les mains de tout le monde, à un moment donné, ben tout le monde a le potentiel un jour de vouloir s'en servir à des fins qui sont pas correctes. Alors, si on met des armes un peu partout en circulation, ben on augmente les chances qu'à un moment donné, ça tombe dans des mauvaises mains. Alors, on veut pas s'armer parce que les gens sont armés. Non, ça, il faut faire attention. À un moment donné, tout le monde va avoir un fusil, ça va te le faire ouest, là. Merci, Vincent. Je comprends le point, ça. J'ai dit au début, je suis pas en train de faire une distribution, là, comme ça, aux profs de gomme, venez-vous-en, ils sont dans le panier, puis servez-vous, là. Ça prend une formation, ça prend des critères. Si tu le fais intelligemment, tu dis oui, on va s'armer dans les écoles. Désormais, on va défendre nos enfants. On va arrêter d'assister les bras croisés à ces tueries-là où la seule solution, c'est de sauver en courant. D'ailleurs, si les gens de la commission scolaire veulent m'appeler, là, cherchent encore le genre de formation qu'ils donnent à leurs profs en cas de tuerie. Bien, hâte de voir ça, moi. Moi, je le ferais, mais intelligemment. C'est peut-être le directeur, c'est peut-être un ou deux profs qui ont eu une formation spéciale. Le gun doit être bien sécurisé. Tu sais, on fait pas ça en innocent, là. Marco, bon matin. Salut, Marco. On va changer parce que j'en ai plein d'autres, là. 670-9330. Jean-Zéc Denis. Denis, bon matin. Bon matin. Je vous écoute. Mon point de vue est très clair là-dessus. Les trois jeunes en question qui prévoyaient faire le coup, ce qui leur manquait, c'est des armes. S'il y avait eu des armes dans l'école, probablement que la tuerie aurait déjà eu lieu. Parce qu'ils auraient volé les armes dans l'école? Pourquoi pas? Ben oui. Ils auraient fait ça comment, là? Ben, s'il avait réussi ces prochains mois à se procurer des armes, ça aurait été pas mal plus facile d'aller défoncer l'endroit où les armes étaient dans l'école qui procédaient à leur coup. Ben oui, mais c'est un bon point. Non, mais on peut très bien. Il y a un danger, je l'ai dit tantôt. Si on met des armes dans les écoles dans les mains des bonnes personnes, va falloir que ça soit sécurisé. Avec un endroit bien gardé, juste une clé, c'est le prof. Exactement comme il y a des armes dans tous les postes de police, mais les gens se présentent pas trop là pour les voler. J'ai rarement vu des voleurs dire, ben des armes, on va s'en trouver, il y en a au poste de police. Bonne chance. Il faut que ce soit fait de façon sécuritaire. Mais je pense pas qu'ils mettent la main dessus. Anyway, dans les informations en primeur que Mathieu Boivin a obtenues, c'est que les jeunes, il était sur le bord d'avoir accès à des armes. Puis oui, je suis sûr que c'est pas... S'il avait déjà eu accès à des armes, s'il avait su qu'il y avait des armes dans l'école, probablement qu'il aurait déjà eu accès à ces armes-là parce qu'il aurait trouvé une manière d'aller les chercher. Puis la tuerie, on en parlerait au passé ce matin. Merci, Denis. Je comprends le point, mais non. Moi, je pense pas. Il faut faire attention. Si tu mets des armes dans les écoles, il faut pas que ça tombe dans les mauvaises mains des fous. Ça, je suis d'accord avec Denis. Mais ça, il y a des moyens techniques pour empêcher ça. Il y a juste les profs ou quelques individus qui puissent avoir accès à ça. Mélissa, bon matin. Mélissa nous a lâché. On a Christian. On en prend encore deux. Notre temps sûrement. Christian, je vous écoute. Salut, Bud. Ça va bien? Yes, toi. Radio de la Côte du Sud, bonjour. Ah ouais, moi j'étais un Américain fou. Non, je savais que t'allais dire ça, c'est une blague, je suis pas Américain moi avec. Si c'est beau. Le deuxième amendement, on s'en jadera par exemple. Mais écoute, j'aime pas ça de dire ça, mais t'es dans le champ ce matin, mon ami, ça a aucun bon sens. Pourquoi? Écoute, ben, premièrement, la Brinks, ils ont des guns, c'est pas pour protéger l'argent, c'est pour protéger les gars qui transportent l'argent. Parce que les gens qui vont vouloir aller chercher l'argent, eux vont avoir des guns. Sujet clos pour ce qui est de la Brinks. Deuxièmement, les profs, on leur met des manuels d'instruction, puis des livres, ben, ils sont même pas capables de s'en servir. Imagine-toi avec des guns. Deuxièmement, le tiers des profs est dépressif. On va lui mettre des guns dans les mains en plus? Ouais, mais qu'est-ce que j'ai dit tantôt? C'est tout des bons points, Christian. Bon. Si jamais, là, on faisait mon idée, là, moi, tu serais quelqu'un que j'écouterais, là, en commission parlementaire ou whatever, puis là, je dirais excellent point. Donc, avant de mettre les guns dans les écoles, on va s'assurer que ce soit entre les mains de bonnes personnes. Dès que l'individu fait un burn-out ou etc., on va y retirer l'arme. Ça, il y a des solutions à ça. Tout ce que vous m'avancez là, il y a des solutions. Mais le prof désarmé, devant trois tireurs fous à l'école Le Sommet, s'il n'y a pas de gun, qu'est-ce qu'il peut faire? OK, autre point. Des trois élèves fous arrivent à l'école avec des M16. Les profs, ils ont quoi dans les mains, eux autres? Des 9 mm à 8 coups dans le chargeur? Ils vont faire désarmer dans pas long, là. Attends un petit peu. T'as plus de chances de désarmer un tireur fou avec un gun qu'avec un crayon, une efface ou un ordinateur ou avec, je sais pas ce qu'ils ont entre les mains, un compas ou une règle. Voyons donc. Je sais que ça sera jamais parfait, là. Je vous dis qu'on a plus de chances de protéger nos enfants en donnant des armes ou en ayant minimum des gardiens armés dans les écoles, ouais, qu'à se sauver en courant? Parce que vous n'avez pas répondu à ma question. Vous conseillez quoi au prof qui est devant un fou armé? Ah, écoute, évidemment, comme n'importe qui, un champion du monde de taekwondo va te dire, qu'est-ce que tu fais devant un gars armé? Tu me sauves. C'est sûr, écoute, c'est la seule chose que tu peux faire. Tu te sauves, tu te caches. Sauf le policier qui était à Dawson, il s'est pas sauvé, il a abattu Kim Vergil et on a évité un plus grand massacre. C'est son métier, Sylvain. Ouais, mais il y a moyen d'informer. De se protéger. La solution, je pense, la plus intelligente qu'on a entendue ce matin, c'est le simple fait de, oui, avoir des gardiens de sécurité, probablement armés, dans une école. Fait que t'auras pas, exemple, des policiers très, très bien payés. Ça va être des gardiens de sécurité. Des gens qui ont fait leur preuve. Exemple, des gars de la Brinks, hein, pour faire allusion là, à ton analogie de tantôt. Puis tu vas non seulement protéger l'école de des petits crottés qui vont venir et qui sont pas juste nécessairement armés, mais qui sont juste des petits crottés. Tu vas protéger, faire de la prévention peut-être autour de la drogue. Donc, tu vas peut-être éloigner des petits crottés qui vont vouloir aller vendre de la drogue là-bas. Puis, en plus de ça, ben, si quelqu'un arrive, tiens donc, avec un M16 pour aller défoncer la face de tout le monde dans l'école, ben, Grim, peut-être qu'il va être capable de se faire freiner un peu par quelqu'un comme ça. Merci, Christian. Merci. J'adore le débat. C'est un bon débat, mais il y a encore, mettez-vous dans la peau d'un prof. Il est devant. Mettons, il est à l'école Le Sommet à Charlebourg, 31 mai. Selon les infos de Mathieu Boivin, c'était prévu 31 000, puis c'était sérieux, là. T'es sur le bord d'avoir accès à des armes. Sincèrement, au moment même où la tuerie se produit, je sais que mon système est pas parfait, qu'il y a des risques ici et là, je suis d'accord avec vous, il faudrait faire ça de façon sérieuse. Mais vous pensez pas, là, mettez-vous dans la peau du prof. Il voit rentrer l'individu, le tireur fou armé. C'était vous. Vous aimeriez pas ça avoir un gun à côté? Moi, c'est drôle, hein. Maudit que j'aimerais ça. Au moins me dire, hey, j'ai un fusil. M'a essayé de quoi? Plutôt que là, être abattu sans défense avec mes élèves, mes enfants, je peux essayer de quoi?